Chapitre 15. Le second signe de la croix. C'est déjà bien près de la Normandie quand on a passé la forêt de Rennes. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'univers entier un seul pays où les formules du langage populaire contiennent plus de sages précautions contre le mensonge. À la moindre question, vous recevrez, avec la réponse, le conseil de ne jamais tromper votre prochain. Quand ils se demandent entre eux l'heure qu'il est, la réplique est longue, mais pleine de loyauté. Ils disent « Sûr et vrai, c'est péché mortel de mentir. Il est 9 heures approchant, aux environs, qui va sonner, m'est avis, ou qui a sonné tout au juste. Depuis un petit de temps, si ce n'est pas 10 heures, faut dire la vérité ailleurs qu'à confesse, pour l'amour de Dieu. Au moins, vous êtes fixé. Et voilà une contrée sincère. » L'adresse du billet mignon, apportée par la vitriase, était ainsi conçue. Au chevalier de Kéramour, à l'auberge du signe de la croix. « Mais c'est à Rennes, m'écriai-je, que j'ai couché à cette auberge-là. »« Oh là là !» fit le marmiton en se tenant les côtes. « On voit ben qu'il n'est point de vitrée, car il n'a point guère d'esprit, ce chevalier-là. » Joson l'attrapa par une oreille. L'infortuné avait cru parler tout bas, mais on l'aurait entendu de la rue à travers la porte fermée. La servante disait pendant cela « Vous êtes donc censé innocent de n'avoir point regardé l'enseigne. Il y a signe de la craie et signe de la craie. Je ne saurais mentir. Le nôtre est le bon, qu'on y cuit des tripes jusque pour fougères. V'là le règlement de même, de la maison. » Son doigt me désignait un papier gras collé en dedans de la porte et qui disait « Au signe de la croix de Vitré, sur la place de Vitré, à Vitré, chez femme veuve Luminet, née Foyet, on recommande la propreté. Premièrement, de ne pas cracher comme des marsouins à la carrée, ciel, de son lit. Deuxièmement, d'aller où ce qu'il faut aller. » Le reste de la phrase était un commentaire d'une clarté angélique. Troisièmement, ceux qui demandent des draps de lit de ne point coucher avec leurs sabots. C'était tout. Le signe de la croix n'en exigeait pas davantage. Je fis mes excuses à la vitriase et je la renvoyai ainsi que le marmiton avant d'ouvrir le billet. Le billet n'avait qu'une ligne et disait « C'est demain dimanche, un chrétien ne se met jamais en route » sans avoir entendu la grand-messe. L'écriture élégante et fine m'était inconnue. Du reste, il faut que je l'avoue, je ne connaissais pas beaucoup d'écriture, hormis celle des contrats où j'avais appris à lire. Il y avait bien le registre de mon oncle le Bihan, mais ce prétendant au trône de Bretagne, quand il voulait prendre des notes, trempait sa plume dans le pot au cigare. Que diable voulait dire ce billet? Il y avait donc à Vitré quelqu'un qui me connaissait? J'étais trop neuf, je n'avais point ce qu'il fallait pour deviner une énigme de ce genre. Je restais si longtemps pensif que Joson s'impatienta et me dit « N'empêche que le fricot se refroidit. Prends ta part, mon garçon, et mange-la, » répondis-je. Depuis sa belle conduite dans l'affaire du piège aux écus, je le regardais bien plus comme un ami que comme un domestique. Mais Joson n'entendait pas de cette oreille-là. Il approcha une chaise de la table et, me montrant ma place d'un doigt sévère, « Je suis pour servir monsieur le chevalier, » déclara-t-il presque sèchement, « jusqu'à ce qu'il me donne mon compte, et je ne l'ai pas mérité. Seulement, ça me ferait plaisir que monsieur le chevalier mangerait au lieu de bêtiser, rapport à ce que j'irais souper à la cuisine à mon tour. » Je m'assis aussitôt, obéissant à un souhait si légitime. Tout le temps de mon repas, Joson se tint debout derrière moi. J'ai du plaisir à déclarer que le fricot du signe de la croix vitrillet était d'excellente ratatouille. On vit très bien là-bas. Les boisiers et les marchands de petits chevaux sont des gourmets. J'ajoute que les gars de Vitré sont connus, même à Paris, pour faire les meilleurs soldats de France et de Navarre, quand une fois ils ont changé de croûte. Quand j'ai fini, rien ne put déterminer Joson à prendre ma place. Après m'avoir déboté, il emporta la desserte et s'en alla où il voulut. Je me mis au lit dans des draps assez blancs et qui sentaient, ma foi, la violette. Je fermai les yeux en appelant le sourire de Viviane, qui rayonna aussitôt dans mon rêve. Mais derrière le frais visage de ma petite cousine, je voyais flotter les beaux cheveux de l'Amazone, et j'apercevais derrière encore quelque chose de vague, d'inconnu et de très joli pourtant, qui se rapportait au mystérieux billet. Car, tout novice que j'étais, je ne pouvais manquer de penser qu'il y avait une femme au fond de cette charade. Je m'endormis, comme un bienheureux, en compagnie de mes trois rêves. Le lendemain matin, toutes les cloches de Vitré m'éveillèrent. L'air était vaste, et néanmoins, comment peut-il contenir à la fois tant de sons bourdonnants, glapissants ou fêlés? Jamais je n'aurais cru qu'il y eût ici-bas un pareil nombre de cloches, ni que les cloches puissent avoir une pareille variété de voix. Il y en avait qui vagissaient, quelques-unes semblaient rire, le plus grand nombre pleurait à chaudes larmes. Et toutes criaient, mêlant effrontément les tonalités les plus ennemies. Par-dessus les beuglements du bourdon, les mères cloches toussaient. Par-dessus encore, les carillons des couvents s'égosillaient. Et encore, par-dessus, à des hauteurs impossibles, des clochettes, perchées je ne sais où, et bavardes comme des pilles, sifflaient, piaulaient, grinçaient et sillaient. C'est très beau un jeu de cloches entendu d'un peu plus loin. Mais miséricorde, il y en avait trop à Vitré. Je me bouchais les oreilles, craignant de devenir sourd ou fou. Juste à ce moment, Joson Menou se précipita dans ma chambre, ivre d'admiration et possédé par une espèce de transport. « Il y en a de belles et de fortes à Guidel !» s'écria-t-il. « Et à Lorient aussi, j'en suis sûr. Mais c'est-il assez bravement mignon par ici, dites donc, monsieur le chevalier, que les oreilles en saignent ?» Don don, don don, din din, don don, din don, dog dog, drling, drlingon, dum dum dum, di di di di di di din, di dan dum, di dan dom, dec dec, et l'enroué là-bas, dum dum, et la flageolette, zic zic, et celle qui braie, di han, di han, ô misère du bon Dieu, maman, je m'amuse-t-y pour plus d'un sou marqué dans ce pays-là. Il faisait à lui tout seul autant de tapage que tous les clochers réunis. Je lui donnai mes pieds à chausser, il ajouta. « V'là quelque chose qui est tout de même étonnant, monsieur le chevalier. J'ai pensé au pain comme de juste, et en sortant de l'écurie, j'ai vu un de ces brigands de là-bas, celui que j'ai assommé le premier. Et t'a-t-il reconnu? Je ne sais point. Vous êtes-vous parlé? Pas beaucoup. » Je lui ai dit comme ça, « Est-ce toi, chat-huant de Pivert ?» Et il m'a répondu, disant, « Non fait, rien en tout, c'est un autre, je ne mens pas, mon bon chrétien. » Et après, il a dévalé, « Mais que c'est donc hardi plaisant à ouïr toutes ces chaudronnailles de clocherie, monsieur le chevalier. Si j'étais riche, je m'en ferais jouer tant que ça pourrait sans les casser. La grosse doum-doum vous éclaboucre tout dans le fond de l'estomac. » Ah, dame, je m'amuse assez. Pour ça, oui, je m'amuse. Joson, lui dis-je, nous ne sommes pas encore bien loin de la forêt. Veille où tu mettras le pied dans Vitré. Ils n'ont qu'à y venir, monsieur le chevalier. S'ils veulent être rassommés et plus mieux que l'autre fois, don dan din dog, on dirait que c'est le la houpe. Je n'aurai point peur de cent hommes ni d'embarras. Je ne dis point tout ce que je peux. Je ne dis point non plus tout ce que j'ai. Mais vous verrez que vous avez un malin gars avec vous à votre service. Il cligna de l'œil et reprit. Est-ce qu'on va repartir des as ce matin? Certes, répondis-je. C'est que je ne m'en irai point avant d'avoir vu leur chape dans un pays où les cloches sont braves de même. Vous n'avez qu'à partir et à trotter. Je vous rejoindrai. Je ne dis point tout ce que je peux. Ah, dame, non. Tous les Bas-Bretons sont vantards. Mais j'avais toujours connu Joson Menou pour un garçon calme et taciturne. Le voyage me l'avait terriblement changé. Ces dernières paroles me remirent en mémoire le mystérieux billet de la veille, auquel je ne pensais plus. Il était 7 heures du matin. En définitive, je ne manquais jamais la grand-messe au bourg de Guidel. De plus, maintenant que j'étais riche Il fallait mettre mon équipage à la hauteur de ma fortune. Je déclarai que nous partirions après-midi. En descendant, nous rencontrâmes la servante et le marmiton qui se faisaient l'amour à grands coups de poing dans le dos. La servante avait nom Metto, qui est une abréviation de Guillemette. Le marmiton s'appelait Bijou, pour bijou. Ils me dirent tous les deux, à la fois en manière d'excuse, « C'est dimanche, on peut druger, jouer. Y a-t-il un fripier par ici ?» demandai-je. « Qu'est-ce que c'est que ça, notre maître ? Bonjour tout de même, et chez vous ?»« J'entends un revendeur d'habits. » Metto me répondit, « Je ne mens point, c'est dimanche. Monsieur Chupias Mounias est fermé à bar. » Mais Bijou ajouta, « Donnerez-vous ben 6 liards ? Pourquoi faire ? Pour aller dire comme ça au guenillou de vous ouvrir sa porte ? On va partager s'il les donne, » suggéra Metto. « Ah, mais non, on fait !» riposta l'amoureux Bijou avec énergie. Séance tenante, il fut payé par une calotte qui domina le bruit de tous les carillons. « Oh, dame ! Oh, dame ! » dit Joson Menou. « La bonne tape !» Je donnai 2 sous à chacun, et ils s'élancèrent ensemble dans la rue en avant de nous. Mais Metto eut un coup de pied. Bijou se retourna pour me dire « C'est dimanche, on peut druger !» L'instant d'après, grâce à la protection de nos amoureux, j'étais clandestinement introduit dans la plus belle boutique de guenillou qui fut à Vitré, dont l'enseigne portait « Chupier Mounier, successeur de Fouinet Barouillet ». En me quittant, Metto me glissa à l'oreille. « La dame est déjà levée, je ne mens pas, et habillée et tout.